ステロイド a frôlé la terre. Moi j'ai pris ta main à Johnny Hallyday et décédé. Moi j'ai pris ta main à il y a eu une catastrophe naturelle. Moi j'ai pris ta main à le projet de base militaire des Américains. Encore détruit le Japon quand même. Moi j'ai pris ta main.